Sans commentaire. Cool. Etuma mibuna jane weli sane mumi. Etuma mibuna mawala wele sans interdit. Sinandolo matanda wandoka kasibiye. Sinamumi matanda wene kuzimbulo kasibiye. Sinandolo matanda wandoka kasibiye. Etuma mibuna jane weli sane lolo. Etuma mibuna mawolo wele sase ntepi. Sinandolo matanda wondoba nasibiye. Sinamumi matanda wene kuzimbulo nasibiye. Sinandolo matanda wondoba nasibiye. Sinamumi matanda wene kuzimbulo nasibiye. Bonde wande makakane amu. Jumalandolo la jamba emi lemi sane ikoni. Sinandolo matanda wondoba nasibiye. Sinamumi matanda wene kuzimbulo nasibiye. Sinandolo matanda wondoba nasibiye. Sinamumi matanda wene kuzimbulo nasibiye. Palais des femmes, l'armée du salut, Dania Wamba. Nani Senga, c'est Andolo. Et quoi du bon gobet, c'est Bandé Dottier. Nani Senga, c'est Andolo. Et quoi du bon gobet, c'est Bandé Dottier. Nani Senga, c'est Maman. Bekwari bandolo mo bande ndotiye. Lonangwa lonene lonangwa de. Nani senga maladie papa o. Nani senga sese andolo. Bekwari bongo bese bande ndotiye. Nani senga sese andolo. Bekwari bongo bese bande ndotiye. Vieux pon de langue mba pnya menena. Au bout du temps, Mango a crédit, tu risques de perdre ta maison. Beaucoup. Nani Senga, c'est Andolo. Et quoi dit Mango, c'est Bandé Dottier. Nani Senga, c'est Andolo. Et quoi dit Mango, c'est Bandé Dottier. Assistance sociale pour Bonemba. Namalaï. Namalalamba. Assistance sociale pour Bonemba. social, on va les bas. Namala, Namala, Lamba. Assistance sociale, on va les bas. Namala. Mama minu ya imbae, nabi ya mwempe, wea mama miyo, na matimbae.